Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Gaël Faure. Salut. Dans le podcast 2030 glorieuses, je rencontre ceux qui sont les signes faibles des mondes respectueux de demain. Et toi Gaël, tu es un artiste engagé. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un artiste engagé ? Il paraît que je suis un artiste engagé. Mais écoute, je dirais que je me suis engagé, et j'ai bien l'impression, à ne pas faire la même chose que les autres. À peut-être prendre des chemins un peu plus de traverse, mais sans véritablement me dire que je veux le faire, mais je le fais. Parce que c'est viscéral, parce que j'en ai besoin, et que sinon ça ne veut plus rien dire d'être artiste engagé. Moi, je te connaissais presque avant de te connaître en tant qu'artiste, pour être honnête, et c'est en allant regarder ce qu'on disait de toi sur notamment Internet que j'ai vu qu'on t'accolait ce terme d'artiste engagé. Quelle est la différence entre un artiste et un artiste engagé ? Tu parles de l'idée de suivre ta voix et d'exprimer ta sensibilité, mais j'ai l'impression que ça va quand même plus loin que ça, non ? Oui, en effet, bah, c'est peut-être essayer un tant soit peu de désaxer un petit peu son propos. Ne pas être que sur soi, mais essayer de voir un peu plus large. Le problème de l'artiste, et je sais quand même de quoi je parle, on est souvent sur nous, sur nos carrières, d'ailleurs, artistes ou pas, mais de plus en plus, on est sur notre confort à nous, savoir comment on va fonctionner dans ce monde ou pas, et je crois qu'il faut, c'est peut-être ça, être engagé, c'est ouvrir un peu vers l'autre, c'est son champ des possibles, et puis se faire rencontrer les gens. Moi, c'est vrai que j'adore faire ça, de plus en plus, des gens viennent à moi, ou je vais vers les gens, et on se rend compte que on a quand même tous besoin de ça, donc est-ce qu'on serait pas tous un peu engagés ? Donc toi, ton prétexte, c'est d'utiliser l'art pour à la fois creuser ta voix personnelle, et faire en sorte que ça soit aussi l'occasion pour que d'autres se rencontrent, d'autres se croisent, qu'il y ait quelque chose qui tienne du vivant, de cette reconnexion-là. J'essaie de retraduire un peu ce que tu me dis. Non, c'est très juste, c'est vraiment ça, c'est donner du sens, de la valeur et peut-être du poids, en fait, à ce que je fais, mais sur un chemin que je ne connais pas, c'est-à-dire qui est le mien, voilà, qui avance comme ça au jour le jour. Et puis, tac, les rencontres. Alors oui, Internet... créant des possibilités assez démentielles facilite parfois les choses, mais ça peut être aussi si on est ouvert dans la rue comme ça, en croisant quelqu'un, on se rend compte que voilà, oh, on se connaît, ouais d'accord, mais toi tu fais quoi? Ah oui, tu fais plus du théâtre, je t'ai vu toi, ce serait bien qu'on... Ah, tu sais ce que je fais? Ouais, je fais de la musique, ouais. Ah bah, ce serait peut-être bien qu'on essaye de se recroiser, et, pourquoi pas, tu vois, imaginer quelque chose. Et donc ça part de ça. En fait, c'est un peu comme des racines en fait d'un arbre comme ça qui va, lui sauf qu'il sait exactement où il va, mais ne rien s'interdire quoi. C'est vraiment ça mon cheval de Troie, c'est vraiment me dire allez, je vais vers l'avant en essayant de mettre le moins de barrières possible, même si malheureusement on est un peu conditionné comme ça, on n'a pas envie de travailler avec tout le monde parce qu'on a une image à respecter. Enfin, c'est un peu ça aussi que j'essaye de casser de plus en plus. Derrière le terme engagé, on entend aussi le terme écologique qui, toi, est particulièrement fort. Je sais que tu as été notamment proche des colibris à un moment. Pour toi, la parole que tu as en tant qu'artiste, elle est aussi importante parce qu'il y a des valeurs fortes que tu veux défendre, et notamment celle de la protection du miracle de notre planète, j'ai l'impression. Bien sûr, ouais, c'est ça. Ben, en fait, moi, tout mon album, là, Regain, que j'ai fait, je ne parle que de ça. Je me suis rendu compte que... Et je pense qu'en fait, c'est parce que je suis effrayé voilà, du monde qui, ou de ce monde-là un petit peu qui disparaît, même d'ailleurs pas qu'un petit peu. On en est à un stade où on sait plus où ça va aller. Et justement, il faut savoir se donner du sens. Moi, je me suis vraiment approché du monde des colibris. Et puis, on a monté le chant des colibris avec Cyril Dion et d'autres. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Je crois que c'est un petit peu justement ce qui m'a déclenché cette envie libératrice et saine d'aller vers les choses qui me font du bien, mais qui me font mal aussi et qui me font un peu peur. Donc... c'est pas facile tous les jours, mais je crois que je peux pas passer à côté de ça. Je peux pas passer à côté de cette peur et de ce besoin de parler de ça. C'est aussi pour ça que nous on s'est rencontrés d'ailleurs, et autour d'un beau festival. Et ça c'était génial, parce que ça crée des liens. Et au-delà de ça, ça crée du sens, quoi. Qu'on soit musicien ou écrivain ou quoi que ce soit. Après ça dépend, mais moi je crois que ma force elle est peut-être là-dedans, en tout cas d'aller chercher les gens au cœur et d'aller oser parler des choses qui peuvent paraître évidentes mais en fait qui le sont peut-être pas tant que ça. Je veux qu'on donne un peu d'épaisseur à ce signal faible que tu représentes toi. Tu l'as dit, on pourrait imaginer l'artiste égocentré, égoïste, avec des préoccupations qui peuvent être de célébrité, de pouvoir, de bon, bref. Ouais. J'ai l'impression que, ou j'ai pas que l'impression d'ailleurs, je sais que toi c'est des choses que tu as envie de dépasser largement. À quoi ça ressemble concrètement le quotidien d'un artiste engagé? Et avant ça, ouais, est-ce que tu peux me raconter, parce que je pense pas qu'il y ait un parcours plus atypique que l'autre pour en venir à faire de la musique devant des centaines de personnes. Je sais que toi t'as quand même pas la voix classique de quelqu'un qui tout d'un coup se met à vendre des CD. Non, c'est sûr. Tu nous racontes très rapidement? Bah oui, mais en fait, c'est-à-dire que, voilà, on va revenir à mon parcours. Moi, le mien, il est assez dément, parce que c'est vrai que, bon, j'ai 18 ans, je pars d'Ardèche, je me fais inscrire à une émission télé, qui est toujours, je crois, j'ai plus la télé, mais La Nouvelle Star. Je découvre le monde à la télé, je découvre plus que ça, en fait, parce que je découvre la ville, déjà, de Paris, parce que moi, je viens d'un endroit où il y a plus de vaches que d'habitants, donc, enfin, c'est pas évident. J'arrive là-dedans, c'est la folie, on me propose, bon bah évidemment, donc du coup succès, notoriété factice, un petit peu, en tout cas immédiate. Mais bizarrement, ça nourrit forcément mon ego, mais je me dis, tiens c'est marrant, c'est pas vraiment vers ça que j'ai envie d'aller. Et au fur et à mesure, j'efface un peu, je raille un peu des propositions qu'on me fait, parce que je crois que j'en ai peur et que c'est pas quelque chose qui vient me nourrir. Alors je passe 2-3 ans comme ça à refuser des choses, à en faire d'autres. Je déménage, je vais à Bruxelles, je vis ma vie, je fais des concerts, je monte mon répertoire, je le crée. Et puis je reviens. Et puis en fait, là je suis signé pour mes propres chansons, sans doute parce que j'ai pris mon temps, parce que j'ai pas été appelé par les sirènes d'un succès, ou peut-être parce que j'ai été incapable aussi, je sais pas, hein, ça veut pas dire que j'ai bien fait, mais... En tout cas, aujourd'hui, avec le recul que j'ai, je me rends compte que ça me ressemble, en fait, le parcours que je me suis créé. Et j'ai moins de mal à me regarder en face, et je sais pas, c'est assez étrange. Je passe pas dans les radios, pas beaucoup, un peu. Je vends pas beaucoup de CD, pas beaucoup, un peu. Mais je fais des concerts, je rencontre des gens, il y a toujours des choses qui se passent, donc ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que les choses sont véritables, ça veut dire que ça vibre aussi chez les gens. Et c'est ça aussi ma force à moi, en tout cas. Et je crois qu'il faut pas avoir peur, en tout cas pour ce qui est de ma part, d'un parcours où je me dis « Merde, mais attends, mais tu stagnes, t'es pas plus connu que ça. » Et en fait, tu sais quoi, je suis en train de monter un spectacle, là, et je me rends compte que même les gens du théâtre et tout « Ah mais Gelfort, on connaît ton travail, ah, c'est super, hein, t'es un artiste engagé, tac !» Et tac, et tu plantes une graine sans vouloir le faire, et puis ça pousse. Et un jour, tu te réveilles et t'es à ta place. Et ça, c'est quand même un chouette cadeau. On y reviendra parce qu'il y a quand même, depuis les quelques minutes depuis lesquelles on parle, là, toi, tu parles beaucoup de être capable d'affronter l'inconnu et de saisir un peu les opportunités, de savoir s'écouter pour savoir ce qui te fait du bien et ce qui t'en fait pas. Ouais. Donc ça, on y reviendra. Il y a, je crois que cette intuition qui est hyper importante dans la capacité du vivant à savoir ce qui est bon pour lui. Et ça me passionne. Dans le côté artiste, tu le disais, l'idée aussi, voilà, de pas avoir peur, enfin, d'y aller pour les bonnes raisons. Oui, voilà. Hein, et donc, encore une fois, une sorte d'égoïsme bien placé, quand même, de temps en temps. Bien sûr, c'est ça. Et puis, l'idée aussi de tenter plein de choses. On revient à ton quotidien aujourd'hui. Mmh. Tu as sorti cet album Regain, que j'ai écouté de nombreux mois, très très souvent, parce que franchement, il y a une belle épaisseur et on y redécouvre à chaque fois des choses quand on l'écoute. Et là, toi, tu fais plein d'autres choses. À quoi ressemble le quotidien d'un artiste, on va dire, territorialisé, un artiste presque 100% local? À quoi ça ressemble? Local et délocalisé depuis l'Ardèche à Paris. Mais écoute, c'est pas tous les jours glamour. Parce qu'en fait, la recherche, ça, c'est passionnant, mais ça prend du temps. Moi, voilà, j'ai 32 ans, je fais de la musique, je chante depuis plus de 15 ans. J'écris aussi, j'ai un peu plus de mal. Je mets beaucoup de temps. Donc ça ressemble à quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, qui essaie continuellement de trouver sa voie. Depuis quelques temps, je me dis que je me sens légitime d'être où je suis. Aux yeux du monde, c'est être à peu près nulle part, mais à mes yeux, à moi, c'est beaucoup. Et donc, ça ressemble à prendre son temps. Vraiment. En fait, ça paraît con hein, de dire ça, mais en fait, c'est tout ce que veut nous faire vivre notre société actuelle. C'est ça. Donc, tu vas à l'inverse de la société actuelle. Ben, je crois que vu que c'est ce que j'ai envie de prôner, c'est ce que je prône justement, par exemple, sur une chanson qui s'appelle Siffler, que tu connais, où c'est vraiment l'idée de prendre son temps, d'oser regarder la situation, de l'analyser, de regarder peut-être courir les gens, sans jugement aucun, mais juste en essayant de se dire, alors il y a ça qui se passe, ça c'est voilà, c'est un constat. Toi, tu te trouves là, qu'est-ce que tu veux faire pour toi et pour les autres qui pourraient aider? Qu'est-ce que tu as à mettre comme pierre dans ce monde-là pour que ça marque, voilà, ou pas? Donc, au quotidien, c'est beaucoup de questions, mais c'est aussi quand même des choses qui se passent, des trucs que j'écris, des idées que j'ai, des spectacles que j'ai envie de monter, des liens que j'ai envie de créer. Justement, d'ailleurs, de moins en moins chanteur à chanteur, mais de plus en plus d'artistes plasticiens, à photographes, à cinéma, à théâtre, à musique, mais aussi à d'autres choses. Hein. Tu vois, la dernière fois, j'ai rencontré un paysagiste, un mec génial, Mathieu, qui est pas loin de chez moi. Je faisais une... Je suis allé jouer, d'ailleurs, gratuitement, dans un... Oui, je le dis, je joue gratuitement parfois. Dans un espace comme ça, il y avait plein de gens. Mais c'était juste pour passer un bon moment. C'était un dimanche après-midi. Et j'étais là, et je rencontre ce gars, une grosse barbe comme ça, un bûcheron. Je lui dis, mais et toi, tu travailles dans la mode? Et il me dit, non, je suis paysagiste. Je suis là, mais c'est génial. Tu voulais être paysagiste, toi, t'as pas mené des études de paysagiste, c'est ça. En fait, mes premières études, non, c'est pour ça que mes premières études, elles sont. J'ai fait 2 ans d'apprentissage de pépiniériste, donc c'est vraiment apprendre le nom vernaculaire des plantes, la texture du sol, savoir de quoi il est constitué, pourquoi tu mets telle plante dans ce sol-là et pourquoi pas, le procédé chimique. Et puis, j'ai fait 2 ans d'aménagement du territoire, donc paysager. Où là, c'était plus donc conception de jardin, etc. Et en fait, c'est marrant, mais ça m'a construit. Au-delà du fait que mon père est agriculteur, voilà, mais je savais que je voulais, dans ma vie, faire de la création. Je savais que c'était en rapport avec l'extérieur. Mais il fallait que je crée. Le paysan crée. Il n'y a pas de souci, mais ouais. Je voulais que... Je sais pas, j'aime l'architecture aussi, la beauté des choses. Comment ça se succède, comment ça se conjugue. La musique, c'est la même chose. Ouais, sauf que tu parlais de pépiniériste, ouais. Et puis ensuite paysagiste. J'ai l'impression quand même que c'est des métiers où l'œil occupe la majorité du métier et l'observation. Tu parles depuis qu'on échange d'observation, observation du rythme, observation des gens, observation de tes sentiments. Ouais. Mais tu le retranscris non pas à travers la vision, mais à travers la voix. Ouais, c'est vrai. T'as raison. Je sais pas, tu me le fais analyser là, ouais, t'as raison. Moi, je sais pas, des fois t'as des analyses comme ça qui tiennent le temps qu'on en discute. Attends, tu veux dire que tu crois pas à ce que tu dis? Non, mais sans doute. Tu sais, en fait, le véritable instrument qu'on a, il est là, c'est dans la voix. Je pense que dans une voix, on peut faire transparaître beaucoup de son état. sa sensibilité, son écoute par rapport au monde. Moi, je sais que quand j'écoute Christophe André, justement, faire ses méditations, quasi sieste, justement, sur France Inter, je crois, je sais pas quoi, je suis scié de la voix posée, du don qu'il fait aux gens, en prenant le temps de poser chaque syllabe, chaque mot, mais pas pour s'écouter lui, mais pour écouter la beauté et le poids que ça peut avoir des mots sur les gens. Et lui a une voix voilà, d'un moine, quoi, qui est magnifique. Deux choses. La première, que pensent tes parents, qui sont donc, tu le disais, paysans, du fait qu'aujourd'hui, toi, tu es à Paris à mener une vie de saltimbanque? Écoute, au début, c'était compliqué, parce qu'au début, vu que dans la famille, on n'avait aucun repère par rapport à ça, au milieu artistique, ceci dit, c'était bien, parce qu'ils n'avaient rien à dire, du coup. Ils me laissaient libre. Mais j'ai appris plutôt récemment là que ma mère arrivait très peu à dormir, parce qu'elle se faisait beaucoup de soucis pour moi à Paris, le fait qu'on n'ait pas d'attache familiale, du coup, pas de suivi, etc. Et puis, de me dire, mais où est-ce qu'il va, mon gamin, quoi? Et puis je pense que c'est propre à toutes les mères, ou les pères, surtout les mères, de laisser son enfant, de lui faire confiance, de ne pas trop oser empiéter sur sa vie, sur son espace vital, mais de lui dire, écoute, je suis là, hein, si jamais. Bref, ils sont emballés, ils sont contents, mais ils sont, je crois, sans vouloir trop me vanter, je crois qu'ils me l'ont dit à demi-mot quand même, qu'ils sont fiers du chemin que justement que je parcours, que j'emprunte, que je crée, parce que ce qui il se retrouve là-dedans. Ouais, tu sens que le fait de toi sortir de ta zone de confort et d'aller explorer l'inconnu, ça leur donne envie peut-être de sortir de cet automatisme qu'on rencontre tous et qu'on adopte tous à un moment ou un autre dans nos vies, ou pas? Ouais, même eux, ouais, tout à fait. En fait, ça les fait sortir eux-mêmes en fait de leur zone de confort à eux. Mon métier leur permet de découvrir aussi d'ailleurs le métier artistique, le monde artistique, qui est quand même très beau. Il y a le monde qu'on voit à la télé qui est pas tout le temps joli et qui est pas tout le temps d'un réalisme pur, mais il y a des très très belles choses qui se passent dans le monde artistique, et ça il faut le savoir partout en France et ailleurs. Et moi j'adore inviter mes parents, ou la dernière fois d'ailleurs on est allé faire une sieste acoustique, ils sont venus et ils ont découvert ça, ils étaient emballés, quoi. Et je leur permets, c'est ça qui est cool en fait, c'est que au bout d'un moment, quand t'as 30 balais, normalement, c'est plus toi qui commences à éduquer un peu tes parents, quoi. On en parlait d'ailleurs une fois, mais enfin, pas forcément, mais il y a cette partie-là aussi. Et je sens que ça leur fait beaucoup de bien, ce lâcher prise, cette manière différente de penser, de peut-être moins regarder la télé. Mais ça leur fait peur toujours, parce que bon, ils sont nés comme ça, ils ont peur. Des éternels angoissés. Ouais, qui m'ont transmis quand même un peu. Hein. Et la question que je veux te poser ensuite, c'est... Ouais. Je pense que les gens là, depuis qu'ils nous écoutent, ils l'ont compris. Et si je viens de voir comme un des signaux faibles des mondes de demain, c'est que vraiment dans ta capacité à avoir ton métier, puisque c'est ton métier, mais même carrément ton chemin de vie, il y a quelque chose qui tient de l'écologie intérieure, dans l'écologie sociale. Tout à fait. Comment tu te compares aux artistes, on va dire, plus mainstream, plus dans la machine? Est-ce que tu as des relations avec ces gens-là? Est-ce que pour toi, il y a vraiment ce décalage qui est impossible à combler? Comment ça se passe? Ouais, c'est compliqué cette question parce que je sais pas comment ça se passe. Je crois que c'est vraiment propre à chacun. Encore une fois, pour revenir vite fait, moi, j'ai connu le succès. Je pouvais pas sortir de chez moi pendant des mois. Et puis j'ai connu ce que c'était le non-succès, c'est-à-dire l'anonymat. Et ça, c'est pour moi, c'est le vrai luxe, mais peu importe. C'est délicat, et puis c'est dur de donner raison, de faire entendre raison à un artiste qui est tout en haut de l'affiche, tu vois. Parce qu'on sait pas ce que lui, il peut penser sur toi. Il va se dire, ouais, mais ça y est, toi, t'es jaloux, en fait. Donc du coup, tu me dis ça. Quand j'ai monté... J'étais pas le seul, mais quand même, je l'ai fait, le Chant des Colibris. J'étais chargé aussi de la programmation musicale. J'ai envoyé beaucoup de mails, j'ai échangé avec beaucoup de gens, beaucoup d'artistes, de managers. On m'a renvoyé ici et là. Je me suis heurté aussi à la difficulté, une réalité aussi qui est malheureusement, du problème de l'ego chez l'artiste et de l'image qu'il renvoie. Et là, j'ai trouvé que, pour moi, c'est très grave, en fait. Parce que tu les vois tous un peu sur Internet, sur les réseaux, en train de parler de l'écologie, de dire Ouais, j'adore Greta. J'adore regarder-la, écouter-la plus, cette jeune fille, elle est super. Et puis en fait, j'ai l'impression que quand il s'agit vraiment de faire quelque chose et d'oublier peut-être ou de mettre son de côté une heure ou deux son image, et c'est là que c'est contradictoire, parce que justement, mettre son image au profit de la planète, je vois pas en quoi ça peut être une mauvaise image quand même. Bref, et ben là, ça me fait chier, parce qu'à chaque fois, c'est... Y a qui à ce festival? Y aura qui? Et... c'est payé? Ce que je peux comprendre, parce que la vie artistique, c'est pas facile, et il faut savoir être payé, parce qu'on croit que du coup, au nom de l'art, on peut y aller. Ce qui est pas vrai. Mais bon, il y a de la visibilité, il y a du bien à se faire à soi aussi, tu vois, accepter quelques trucs. Et puis, voilà, bah, passe par mon manager. Et je me suis dit, écoute, au lieu d'être aigri, là, et de cracher sur les artistes, c'est pas grave, accepte ça, essaye de comprendre pourquoi. Et puis voilà, mais après moi je peux pas parler, je peux pas me comparer aux autres artistes. Et un groupe comme Coldplay qui dit j'annule la tournée mondiale parce que il y a cette urgence écologique qui fait qu'on doit réduire la voilure, toi ça sent le coup de com, c'est un engagement fort, comment tu le vois? C'est une très bonne question, je me dis j'ai entendu ça. Je sais pas. Je crois pas. Je pense que j'ai été fan de Chris Martin quand j'avais 15 ans, j'étais comme un foufou. À l'époque où les albums étaient bons. Moi aussi. Et ça m'étonne pas. Et vraiment, j'étais fou de lui, quoi. J'étais là, c'est super ce qu'il fait. Enfin, ça me parle à fond, ça me nourrit à fond. Et puis putain, bon bah, le temps passe. Je crois que le temps n'a pas forcément fait la bonne affaire pour eux non plus. Malgré qu'ils vendent des millions et des millions d'albums et qu'ils remplissent des stades. Je sais pas, je trouve que c'est... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un coup de com'. Et en même temps, j'ai l'impression qu'ils disent la vérité. J'espère surtout que c'est vrai. Mais je pense quand même. Je sais pas, j'espère y croire. Voilà, j'y crois, allez. En tout cas, ce que tu donnes à voir dans ta réponse, c'est qu'il faut aussi oser aller vers la complexité et la nuance dans la perception qu'on a des artistes, qui sont pas tout noirs ou tout blancs, ben oui, et qui sont pas caricaturaux comme soit ils aiment se montrer, soit on aime les voir. Ben oui, et puis sinon, c'est bête de dire ça, et puis on s'enferme dans quelque chose, et puis ça fait mal, en fait, à soi, au fond. Et donc du coup, pour sortir de la caricature, nous ici, on n'est pas dans le studio avec toi, ton jean déchiré, tes Converse, on est chez toi, dans ton salon, de belles tomates sur le sol. Tu m'as fait une belle infusion de menthe. Ces écolos, ils font des infusions à la menthe poivrée qui viennent d'Ouzbékistan. Bravo. Bravo les écolos. Non mais oui, c'est vrai que c'est... J'aime pas, il y a un côté studio comme ça, en effet, jean déchiré, c'est le cliché pur, ce qui marche aussi, hein, mais moi je voulais que tu viennes ici, c'est très bien que tu sois là. C'est très bien. On referme cette épaisseur qu'on a donnée à ta vie, à ce que tu fais. Là, je te propose une expérience un peu particulière pour donner une respiration à cet échange, celle que tu nous lises un passage qui pour toi, un passage du passé, qui pour toi, d'un livre, éclaire l'avenir, tout simplement, ni plus ni moins. Qu'est-ce que tu vas nous lire? Je vais lire un extrait de Jean Giono, qui je trouve est un sage absolu, qui était un homme, hein, donc du coup, qui avait sans doute aussi ses défauts, mais en tout cas, il avait une vision brûlante de l'avenir, et puis une vision qui, malheureusement, s'avère très vraie. Donc, on n'est pas non plus que dans de la tristesse, au contraire, parce que Giono souligne le malheur, la rudesse, l'errance des hommes, mais il souligne aussi sa lumière, l'espoir, et un avenir là-dedans. Jean Giono, à redécouvrir. Et donc Gaël, qu'est-ce que tu veux nous lire alors? Je vais vous lire un extrait de Jean Giono, d'un texte qui s'appelle Le blé, la joie et la paix. C'est le principal. Non, ça n'est pas le principal. Ah non, alors. C'est justement pour ça. Bien sûr que c'est nécessaire. Bien sûr que c'est exactement comme l'air que tu respires. Si tu t'arrêtes de respirer, ou tu ne tiens pas longtemps, ou tu meurs. Et si tu n'as plus rien pour respirer, tu meurs. Nous le savons. nous savons la belle, la grande, la forte, la puissante utilité du blé. Qui dit le contraire ? Personne. Nous moins que les autres, parce que c'est nous qui le savons le mieux. Mais justement, il faudrait que ça soit comme l'air qu'on respire. Il faudrait qu'on se serve du blé comme on se sert de l'air. Il faudrait qu'on s'en serve sans faire attention, machinalement, obligatoirement, comme d'une chose sans valeur. Voilà justement ce qu'il fallait dire. C'est très exactement ça. Comme d'une chose sans valeur, comme de l'air, comme d'une chose inépuisable qu'on prend, qu'on avale, et voilà, sans aucune valeur, absolument comme de l'air. Car on aurait moins besoin de consacrer tant de temps à cette nourriture qu'on avale, et puis c'est tout. Je ne dis pas, c'est agréable, je sais. Bien sûr, c'est agréable de manger, c'est une joie, ça fait du sang, ça compte. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne compte pas pour tout. Je veux dire que quand on n'a qu'une seule joie, c'est comme quand on n'a qu'une seule lampe ou qu'un seul enfant. D'un seul coup, tout peut s'éteindre. Ou même, je veux dire, qu'une seule lampe, par exemple, tout en restant allumée. Elle n'est parfois pas suffisante si elle est grande, si elle est seule dans une grande chambre. Car au fond, nous avons beaucoup de besoins, et pas seulement le besoin de blé. Si tu réfléchis bien, regarde combien de choses nous désirons qui sont pour nous des choses principales. Et si on nous disait « prive-toi de manger pour les avoir », nous nous priverions de manger. Mais c'est absolument obligé comme de respirer de l'air. Alors faisons que ça ne nous pèse pas, que ça ne soit pas difficile, mais très facile. Et alors nous aurons du temps pour tous nos autres besoins. Au fond, les choses sont simples quand on y met de la bonne volonté. Merci Gaël pour cette bulle là que tu nous as proposée. Merci à toi de me proposer, de te proposer ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce texte ? En quoi ça résonne ? Derrière ce texte-là, il y a la prise de conscience de se rendre compte que la vie passe vite, qu'il faut alléger les choses, que véritablement... C'est fou à dire, j'aime pas trop dire ça parce que ça fait cliché, mais après tout, qu'il faut savoir aussi s'alléger de la lourdeur qu'on nous met sur les épaules, qu'on nous fait croire en fait. Parce que la vie, elle est difficile, mais elle peut être aussi légère et belle. Et ça, c'est le plus gros des combats, en fait, pour moi. Donc là, le blé, on parle de la semence, mais évidemment, ça fait écho au pognon. Et voilà, c'est ça en fait. Le texte, c'est le blé, la joie et la paix. Mm. Tout est là. Mais oui, tout est là. Pour moi, c'est ça. Tout est là parce que le blé, c'est la fertilité, c'est l'avenir, c'est Monsanto, c'est nous, c'est la suite. Et puis c'est l'homme en fait, c'est son histoire, c'est l'agriculture, c'est d'où l'on vient en fait. C'est le rapport utilitariste qu'on a mis sur notre alimentation. Sur la nature, surtout. Tout à fait. C'est exactement ça. C'est ce rapport utilitariste. Et le fait de voir ça comme un coût et pas comme un investissement. Ouais, ou comme justement une joie. Ou... Mais il y a beaucoup de choses que je pourrais te lire de ce bonhomme-là, mais il faudrait que la joie soit paisible. Il faudrait que la joie soit une chose habituelle et tout à fait paisible et tranquille. Et non pas batailleuse et passionnée. Car moi, je ne dis pas que c'est de la joie quand on rit ou quand on chante. Ou même quand le plaisir qu'on a vous dépasse le corps. Je dis qu'on est dans la joie, quand tous les gestes habituels sont des gestes de joie, quand c'est une joie de travailler pour sa nourriture, quand on est dans une nature qu'on apprécie et qu'on aime, quand chaque jour, à tous les moments, à toutes les minutes, tout est facile et paisible. quand tout ce qu'on désire est là. Oui, ici, c'est la différence entre plaisir, plaisir lié à quelque chose d'extérieur, et joie liée à, au contraire, quelque chose qui vient de l'intérieur de nous. Ouais, exactement. C'est hyper fort. Et c'est la transition parfaite, parce que justement, on va prendre cette joie, ouais, on va en faire la boussole de nos vies. Et ces 10 dernières années, c'est-à-dire de 2020 à 2030, on a réussi à faire des choses extraordinaires. Je sais que ce n'est pas un exercice très facile pour nous Français de se projeter vers des utopies réalistes et de laisser une part un peu plus grande à notre capacité d'optimisme. À la fois, je pense qu'il est hyper important d'arriver à construire, à alimenter, à s'entraîner même ouais, sur cette capacité, parce que de notre manière à percevoir et à se projeter, va se jouer beaucoup de choses, je pense, pour les 10 prochaines années. Donc nous sommes officiellement en 2030, glorieuse Gaël. Nous avons réussi. Qu'est-ce qu'on a réussi? Écoute, j'imagine qu'on... En fait, j'imagine pas, parce que je l'ai vu. J'ai vu les hommes s'entraider, et on a vu quand même de l'amour sans compter. Ça, c'est quand même pas mal. On a délaissé un peu les chiffres pour prioriser la Terre. On s'est lancé dans une aventure un peu nouvelle, qui pourtant ne l'était pas vraiment. Et on en arrive justement à être plus content et avoir des objectifs et des projets communs. Ah ça... Ça, ça a mis un peu de temps, mais on y est arrivé. Et du coup, bah, y a tout qui foisonne, quoi. En 2020, on mesurait le succès de notre président à travers sa capacité de nous faire avoir 2 points de PIB en plus chaque année. Comment on mesure le succès d'un pays, d'un État, d'une nation? Ah, elles sont géniales, ces questions. Surtout prises comme ça. C'est quel pays, déjà, qui a le PIB C'est le Bhoutan, le bonheur national brut, voilà, le BNB. Tu veux dire qu'ils sont déjà en 2040 peut-être? Peut-être même, ouais, 2050. Ok. Ben on le mesure justement à... Oh putain, c'est trop chaud, j'adore. J'ose à peine dire des choses. Je te dis ça parce que il y a 10 ans en arrière, en 2020, on nous disait, bon bah voilà, l'égalité a été prise par les socialistes de l'époque, la liberté par les libéraux. Et où va la fraternité? Certains nous promettaient la fraternité nationale brute en disant, ben voilà, l'autre est une valeur et au contraire pas une menace. Même si la fraternité, ça manque de ce côté féminin. Où est la part primordiale de la féminité qu'on doit remettre au cœur de la société? Et encore, ça, c'est une vision très anthropocentrée qui ne met que l'être humain. Donc comment on a réussi à recréer ce lien au vivant dans sa globalité? Ça, rien que ça... D'ici 2030, c'est une question centrale. Bah alors peut-être que déjà, on a cassé 2-3 murs, notamment en ville. On a désertifié les villes pour retourner dans les campagnes. On a refait vivre des villages. On s'est rendu compte qu'en fait, la vie, elle était là. Et pas seulement dans les... à travers des uniquement, en tout cas, pour ne pas être trop des logiciels ou d'autres choses de ce genre. Et que... sensiblement, on avait besoin de recréer, de mettre l'accent à nouveau sur les métiers qu'on a oubliés, qu'on a délaissés. Et voilà, et on les a refait vivre. Et ce qui est vachement bien, c'est qu'avec toutes les années qu'on a passées, qui se sont écoulées, on a peut-être pu agrémenter tous ces métiers-là avec peut-être, on ose dire, un peu du mieux. Parce qu'on a appris des choses depuis, quand même, on n'a pas que désappris. Et du coup, on ose conjuguer les années 20 à celles d'aujourd'hui et se dire que c'est possible. Et puis, moi j'en rêve. Mais je l'ai vu l'année dernière, en 2029, il y avait des cours de respiration qui se faisaient en campagne. C'était fou. J'étais scié. Les gens, en attendant le bus, ils attendaient le bus, ils respiraient, ils faisaient des cours de respiration. Ça, c'est directement lié à des techniques de méditation qui sont notamment très mises en avant dans la méditation vipassana. Le fait de se reconnecter à l'essence même du vivant qui fait que nous sommes ici, notre respiration, qu'on a prise pour acquis, totalement automatisée, dont on a même oublié l'existence, alors qu'en fait, elle est, si on s'y reconnecte, pour nombreux, la première porte d'entrée vers le chemin de la reconnexion vivant. Ah mais non, mais c'est de la folie, c'est exactement ça. C'est déjà reconnexion à soi absolue, Parce que je me suis rendu compte en prenant le temps de respirer rigoureusement, parce que c'est un travail, parce que c'est tellement facile d'oublier, tellement simple, tellement de choses à faire, des marches à marcher, justement à monter, je veux dire, et tout ça. Toujours plus de trucs, on nous met des outils dans les mains. Donc voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que justement, les gens, entre 2020 et 2030, ils ont un peu délaissé, dans beaucoup d'endroits, leur téléphone portable. Leur cellulaire, comme ils diraient en Belgique. Je les adore. Et vraiment, pour aller se reconnecter à soi. Et c'est vrai que la meilleure des connexions, et de toute manière, la méditation vient de la respiration, comme tu le dis, et c'est vraiment ça. On embarque avec nous, même dans nos nuits les plus profondes, des mécanismes assez mauvais d'apnée du sommeil, de grincement de dents, du stress absolu qui rentre comme quelque chose de qu'on a toujours eu en nous, quoi. Et c'est là que ça devient grave, en fait. C'est comme si ça changeait notre ADN, en fait. Et c'est là que c'est le gros danger. Alors que finalement, le médicament, il est là, il est en nous, parce que le médicament, c'est nous, en fait. Donc ça, finalement, c'est une écologie intérieure là que tu nous proposes. Bah oui. Ouais. C'est mais parce que c'est parce qu'encore une fois, tu le sais très bien, on n'a rien inventé. Et parfois, par chance, on rencontre des gens qui nous remettent un peu sur le droit chemin. Moi, j'ai rencontré cette professeure de respiration il y a maintenant, du coup, 12 ans. Et elle m'a changé la vie. Et je me suis rendu compte que ce qu'elle me donnait, c'était une clé de longévité. Peut-être que je vais clapser dans 2 ans, mais en tout cas, une clé de longévité pour la joie, pour le bonheur d'être soi, en soi, au moment où tu prends le temps de respirer. Je te promets que tu t'allèges. Quand tu vas bouffer après un cours de respiration, les aliments, tu les sens beaucoup plus. La manière dont tu marches, elle est beaucoup plus légère. Il y a l'idée du rapport au temps qui change complètement. J'ai l'impression qu'en se reconcentrant sur sa respiration, on est beaucoup plus dans le moment présent. C'est ce qu'on appelait la slow life à l'époque. Bah oui, mais c'est clair que c'est, et ça paraît évident. On lâche un peu là, justement les minutes, les quarts d'heure, les montres, les téléphones, et du coup, on se laisse diriger, guider par sa respiration. Et ça, c'est, je crois que c'est, ça paraît fou de dire ça, mais je crois que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse se faire à l'heure d'aujourd'hui, qui est, il y a du mieux, mais qui a été difficile. Ouais. Des périodes où vraiment on a cru qu'on cramait, quoi. Hein? Et en fait, c'est nécessaire. Mais dès le plus jeune âge, en revanche, c'est nécessaire. Parce que quand on est, les nourrissons, là, ils naissent dans le corps de leur maman, bam, ils se lèvent un peu droit, là, ils ont le dos tout bon, ça respire tout bon, et puis il faut quoi, 5-6 ans à peine pour que les mauvais mécanismes commencent à rentrer dans le corps. Et là, ça va très très vite, la dégringolade là, elle peut être assez fatale, d'où l'importance d'être dans des milieux naturels, dans un environnement sain, déjà au moins pour faire de l'exercice, pour marcher, même si ça paraît bête, mais marcher, je veux marcher, ne plus m'arrêter, qu'importe l'allure où je vais, mais juste marcher. Ça c'est déjà très grand. Et ensuite, tu allies ça avec un peu de respiration, et donc du coup, de la pleine conscience, et du bon manger, et là, tu commences à être mieux. Donc on a des cours de respiration à l'école, et, ah ouais. et la place de l'alimentation, parce que je sais que c'est quelque chose qui est central pour toi, en disant quel travail on a fait justement sur la manière de se nourrir, si on revient au blé de Jean Giono, il a quelle place en 2030 glorieuse ? Il a une place magnifique parce qu'on a sauvé des terres, on les a restaurées, on a mis le temps, mais on a mis du BRF, hein, on a mis pas mal. Et du BRF, pour ceux qui ne le savent pas, sans vouloir faire croire que je veux étaler mes connaissances sur ce sol, c'est juste du bois raméable fragmenté, tout simplement, parce qu'on a replanté des haies partout. On s'est rendu compte de l'importance de replanter des haies pour faire revivre, revenir la faune sauvage, et pour, bizarrement, se rendre compte que l'humain, il avait pris trop de place ici, avec ses grosses machines, et qu'on a laissé faire la nature un peu toute seule. Parce que, évidemment, on le sait, parce que même les plus grands politiques de ce monde le savaient déjà, le monde n'a pas besoin de nous pour tourner. Voilà. Mais le sol est revenu, le sol est restauré, on le restaure encore dans beaucoup d'endroits, on l'a laissé faire, du coup les choses poussent beaucoup mieux, l'air est bien meilleur, les gens le savent, ça se voit sur les gens, parce que eux aussi sont meilleurs. Et vraiment, ce qui est bien, c'est qu'il y a des petites AMAP, des petits agriculteurs qui se sont mobilisés, qui vivent avec beaucoup moins d'intermédiaires. Alors oui, là, on va dans ce schéma où on enlève voilà, les grosses firmes et les gros trucs et tout, mais on a besoin de ça. On a besoin de ça parce que notre pays, notre monde, mais surtout notre pays à nous, la France, il est truffé de cette magie possible qui est d'endroits en France comme ça, de petites régions, qui sont riches en patrimoine, en savoir-faire, en terre, en diversité et en intelligence, en fait. Et c'est là qu'on a réussi le pari, en 10 ans, de le faire. On a encore beaucoup de boulot, mais on est sur la bonne voie. Et pour revenir à toi, l'artiste, quelle place, quelle relation à l'art, quelle relation à la créativité en 2030 glorieuse ? Je t'avoue que j'ai peut-être revu, pas à la baisse, mais en tout cas, je me suis peut-être un peu éloigné de l'art absolument dans ma vie. En tout cas, l'art de la musique. Mais quand je le pratique encore plus à plein, quoi. Voilà. Je vais jouer dans des endroits qui vibrent, qui résonnent, qui ont du sens, qui ont fait l'histoire de notre pays. Je vais davantage chez les gens, pas non plus dans leur cuisine, mais en tout cas, on trouve un endroit où on se sent bien et on fait résonner des choses. Parce que, en fait, elle est aussi là, la nourriture. L'art, il peut pas passer uniquement par les grandes salles de spectacle. Et il passe par le regard, par la proximité, par l'échange, par le temps que tu prends, par le silence, par l'endroit où tu es, où tu sens que c'est sourd et c'est lourd, c'est pesé, quoi. Donc je choisis les endroits où je vais jouer. Et en fait, il y a beaucoup plus de monde. T'es encore un artiste, 10 ans après ? Ouais, parce que je pense qu'en fait, sans vouloir ô combien, croyez-moi, vouloir faire genre, je pense, même si j'aime pas ce mot, mais je pense qu'on reste toujours un peu artiste, si on a la vision de ça. Mais je me suis quand même vachement rapproché de l'artisan. C'est pas évident, parce que on pourrait penser que dans un monde où on a justement envie de plus de sobriété, de plus de liens au vivant, il faut faire attention à tout, on va peut-être enlever ce qu'on pourrait voir comme une futilité, c'est-à-dire la relation au son, la relation aux mots, et pourtant, plus on veut cette assaise, et plus elle est nécessaire, cette futilité, non ? C'est clair, et puis surtout parce qu'elle n'est pas du tout futile. Le son, nous les musiciens, voilà, alors les musiciens d'aujourd'hui, c'est encore un peu, 2030, on appuie sur un ordinateur, ça fait du son, parce qu'il y a des... et c'est bien, et ça c'est bien. Mais sauf que le son, à la base, il est partout dans la graine. Il est partout dans la nature. Et ça, c'est le vrai son. Après, ça, c'est le son que nous, on s'est attribué, le son qu'on a dénaturé, qu'on a transformé, finalement. Hein. On en a fait un OGM, en fait, de ce son. Et c'est loin d'être futile, parce que tout est là, en fait. Pour ceux qui nous écoutent et qui commencent la nouvelle décennie de 2020, qu'est-ce que tu leur souhaites ? Ben alors là, ça va aller très vite. Vous allez prendre une espèce de petit tunnel. Je vous souhaite de profiter des instants de nostalgie que vous avez en 2020, parce qu'en 2030, tu les cherches. Et ça, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'il y a eu un vrai changement. Je vous souhaite de prendre position, de vous dire que vous avez sévèrement envie d'aller vers 2030 avec cette vision-là, qui est pour vous une vision meilleure en vous, et du coup pour les autres. Mais en fait, c'est déjà grand, quoi. Si vous avez déjà un boulot, là, fin 2019-2020, que vous n'aimez pas, là, vraiment, qui au fond de toi, tu sens que ça ne te nourrit plus, et que toi-même, tu nourris un truc que tu ne veux plus nourrir. Voilà, là, il faut peut-être se dire, il est encore temps de faire quelque chose, de faire son petit quelque chose à soi, La vie, ça passe vite, mais quand même, hein, c'est quand même notre vie, on n'en a qu'une. Et il n'est jamais trop tard, en fait, pour vraiment faire sonner les tambours au fond de soi. Voilà, c'est ça, en fait, le truc. Ça, c'est notre texte de Jean Giono. Qui... Tambour du cœur, ça fait très mal. De retour en 2020, hein, la route vers 2030 glorieuse, elle est longue, parsemée d'embûches. Il va falloir tenter de proposer un cap. Et ce cap, il sera vite rattrapé par le quotidien. Comme le marin doit définir un cap vers le long terme, vers le lointain, et qu'ensuite il est rehappé par les voiles qu'il doit hisser et les bouts qu'il doit tendre, quelle est la première action que tu recommandes, la première chose à faire pour commencer, le premier pas pour commencer à marcher vers 2030 glorieuse? Le premier bouton sur lequel appuyer, c'est celui de la télévision. Ça, c'est... S'il doit y en avoir un, ça sera celui-ci. Et après, tu peux avancer. Merci, Gaël. Je t'en prie. Ce deuxième épisode de 2030 Glorieuse s'achève et je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je suis vraiment très heureux d'avoir pu donner la parole à quelqu'un d'aussi singulier que Gaël qui donne sans compter. Je vous avoue que j'avais absolument aucune idée de ce qu'allait vouloir aborder Gaël lors de cet entretien, de cet échange. Et à la fois, je savais que ça allait être génial et je ne me suis pas trompé. Vous avez vu, hein, Gaël, il s'écoute, il se fait confiance, il n'hésite pas à suivre son intuition et il arrive à conjuguer l'infiniment grand et l'infiniment petit dans presque chacune de ses respirations. Il ose justement aborder la question de sa respiration et de se reconnecter au plus profond de lui-même, puisque finalement, vouloir défendre le vivant, c'est commencer par honorer le miracle qu'est notre vie à nous et de respecter notre corps, de lui donner toute sa place, de creuser nos talents, notre originalité et de faire en sorte que cette étincelle de vie que nous portons chacun puisse s'exprimer au mieux. Et c'est ce qu'essaye de faire Gaël tous les jours et pour ça c'est une inspiration forte. Et puis aussi, c'est la connexion à la terre, c'est la connexion à notre alimentation, c'est le fait d'oser aborder des sujets aussi fondamentaux, vitaux que ce qui nous nourrit et de comment on a peu à peu complètement mis ça au second, au troisième rang de nos priorités, alors qu'en fait, notre alimentation, c'est vraiment ce qui nous fait. Et ce qui participe à nous nourrir tous les jours devrait être honoré plutôt que dévalorisé, exploité. Je suis très content, moi, qu'on ait pu aborder tous ces sujets. Je vous invite très fortement à aller écouter le travail de Gaël, notamment son album Regain, que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à écouter ces derniers mois. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur ça commence par moi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !